pas sur mon gazon, entre pas dans mon salon, regarde même pas ma maison. Baigne-toi pas dans ma piscine, mets pas les pieds dans ma cuisine. Nous les intrus, on les assassine. Sinon, je vais dire à mon bon chien qui sort, il va faire de toi une nature morte. Payeur de taxes, on est, payeur de taxes, on est, payeur de taxes, on est, payeur de taxes. Nous avions rêvé d'un paradis de verdure, dans un royaume où la reine est la voiture. Nous avions rêvé d'une chouette toiture, mais nous voilà au pays des ordures. À payer des taxes, des frais, des impôts. Si tu viens sniffer dans mon jardin avec ton gros nez de crétin, j'aurai pour toi un bourdin. Si tu présentes ta face de fouine chez moi ou chez ma voisine, on va t'attendre avec une